Demain à Euphrosyne. Vous m'amusez par des caresses, vous promettez incessamment, et le zéphyr, en se jouant, emporte vos vaines promesses. Demain, dites-vous tous les jours, je suis chez vous avant l'aurore. Mais volant à votre secours, la pudeur chasse les amours. Demain, répétez-vous encore. Rendez grâce au Dieu bienfaisant qui vous donna jusqu'à présent l'art d'être tous les jours nouvelle. Mais le temps, du bout de son aile, touchera vos traits en passant. Dès demain, vous serez moins belle, et moi, peut-être moins pressant.